J'aime l'eau Je marche lent pas pour le style, mais parce que je porte trop de poids sur le pile. Chaque stream, chaque mot c'est une lame, et mes viewers savent que je viens de la flamme. Pas de pause, pas de drip superficiel. Je fais pleurer la basse comme un évangile. Ma croix c'est mes lignes, mon flow m'a giflé. Mes ennemis je les bénis, puis je les défile. Oh Lord, he walks through fire, right, his skill don't break. He rises higher, chains can hold, hold what faith inspired. Drill or prayer, he's born entire. Sympa dans vos règles, je suis dans le temps d'avant, là où les battements font trembler les bancs. La chair est faible, mais le beat est pur et je graille les traîtres comme un hôtel dur. T'es pas prêt pour l'église des vrais, où chaque phrase te découpe net. Je suis pas rappeur, je suis prédicateur et c'est le son qui me sert de moteur. Raise your hand. Et dans ce son